On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer dans la région. Salut Benoît. Salut dans Radio Sport, ça va Benoît, bien? il te reste quoi, 5 mois avec... Je te voyais sur les médias sociaux cette semaine envoyer un Facebook sur tes billets. T'as eu tes billets pour la Coupe du Monde, quoi? Ben, en fait, les billets vont arriver un petit peu plus tard, mais j'ai reçu une carte qui s'appelle... qu'ont fait en Russie, parce que tu sais, l'année, pour aller en Russie, ça prend un visa. C'est compliqué à avoir. C'est très compliqué à avoir. Puis pour la Coupe du Monde, ils ont fait une carte spéciale. Les autorités russes ont fait une carte spéciale qui s'appelle la carte Fan ID. C'est une carte qui va te permettre d'avoir accès au stade. C'est une carte pour mettre ça dans les règles d'or pour le plus sécuritairement possible là, quand tu vas aller en Russie. C'est une carte qui va même te donner des accès gratuits avec des trains. Okay. C'est cette carte-là que j'ai reçue avant hier, justement. C'est ça, j'ai changé mon profil de Facebook et il y a eu quand même 150 j'aime quand même. Puis après ça, c'est ça, les billets vont arriver d'après moi en mars-avril. Là. OK. Comment, on va parler du MLS Draft hier, c'était le super draft qui avait lieu hier. Écoute, moi j'ai... je trouve ça bizarre pareil... Tu sais, c'est sûr que je l'ai dit, tu bâtis pas une équipe gagnante avec le super draft, ça c'est clair. Il n'y a pas vraiment de joueurs d'impact, c'est des joueurs de la NCAA. Puis comme Rémi Garde disait hier, la NCAA aux États-Unis, c'est. On joue soccer 4 mois, là. Fait que tu bâtis pas là-dessus, sauf que quand même, j'ai trouvé ça bizarre de vendre des choix avec choix 4, choix 7. Tu sais, c'est quand même des choix intéressants. Donc, comment t'as trouvé ça, toi? Hein? On est-tu à 200 000 près de pas avoir de bouquer notre budget? Non, ça, par rapport à ça, t'as raison. Là. Je pense pas que l'impact soit à 200 000 près de bouquer de budget, mais comme on avait jasé un petit peu auparavant, je pense que Rémi Garde, tu vois qu'il y a de l'air à beaucoup, il y a une filière. Ben, présentement, on a signé des Canadiens. On n'a pas encore vu une grande filière française là, comme on s'attendait à voir, mais il est encore tôt. Mais c'est le mercato c'est l'hiver. Là. C'est, le mercato d'hiver, c'est moins. C'est beaucoup moins populaire que le mercato d'hiver. Ça va être peut-être difficile d'attirer des joueurs européens pour la début de saison de l'Impact. Ça va peut-être plus se faire en fin de saison, style au mois de mai-juin. Mais on a levé le nez sur les drafts de la super draft. Parce qu'on avait quand même un quatrième choix. Ouais. J'ai l'impression que l'impact... écoute, c'est une discussion qui c'est un choix que le staff a dû faire avec Saputo aussi. Puis peut-être, je sais pas si DeSantis participe, mais non. J'imagine que c'est le nouveau staff de l'impact qui a fait ce choix-là. Puis maintenant, il faut regarder, Danny, si tu regardes auparavant, dans les années antérieures, écoute, en 2000, on va se rappeler des choix de l'impact, on va faire un tour de table là-dessus. Quand l'Impact est arrivé en MLS en 2012, on avait choisi Andrew Ognier. On a fait quelques saisons avec ça. Il y avait Colin Malas aussi. Colin Malas est parti l'année passée, je crois. Donc, c'était deux joueurs qui ont joué un petit peu avec le club. En 2013, on est allé avec Blake Smith et Pablo Del Piccolo. C'est-tu l'année de Cameron Porter? Ben, tu as dit, je vais y arriver, ouais. Cameron Porter. En 2013, Blake Smith a joué un peu avec l'Impact, pas tant que ça. En 2014, Eric Miller était le premier choix de l'Impact, a joué quand même quelques saisons, ça ouais. sortait quand même bien. Et George McKee, mais le deuxième choix, comme je peux le voir, on ne le voit jamais. En 2015, justement, Romario Williams et Cameron Porter, les deux. Ça, c'est lui qui a marqué le but le plus important de l'histoire de l'Impact, à mon avis. Là. Cameron Porter a arrêté une belle relève pour l'Impact, mais on va se rappeler sa blessure pas longtemps, justement, après ce but-là contre l'équipe du Santos Laguna au Mexique. Effectivement, tu as raison. Il aurait pu faire une belle carrière avec l'Impact, mais il a eu une bonne blessure et il a fait un retour. Il a parti toute la saison. Et quand il est revenu, forcé d'admettre que là, il est arrivé d'autres joueurs, puis on n'avait plus vraiment de place pour lui, donc il est parti ailleurs. Après ça, en 2016, tu as Kyle Fisher, quand même un joueur qui a joué encore des matchs avec l'Impact. Il est encore là, je crois, Kyle Fisher, le défenseur. On l'a-tu envoyé? Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais il me semble que son nom est d'accord avec l'Impact. Okay. Il y a Duval aussi qui avait été un choix, je pense, du Super Draft. Duval, on est allé chercher, je pense, par la voie d'échange ou quelque chose du genre dans la MLS. Parce que si tu regardes après ça en 2017, on a Nick Dupuis aussi. Et l'autre, on ne le connaît pas. Donc, Nick Dupuis, je ne sais pas si c'est encore dans le staff de l'Impact. Parce que quand j'ai regardé hier sur le staff du club, on n'a pas encore fait les changements là, sur le site web. Là, on voit que Dimadi est encore là. Même Bernier est encore là. Donc, on n'a pas mis à jour les nouveaux joueurs de l'Impact là, au niveau du site de l'Impact de Montréal. Okay. Donc, c'est un petit peu ça. Est-ce que par rapport à ça, par rapport à ces choix antérieurs-là, le nouveau staff de l'Impact a décidé d'y aller avec les montants d'argent pour... C'est sûr que c'est de l'argent d'années qui est réinvesti au niveau du club, au niveau de la masse salariale. Maintenant, mais j'ai partagé justement hier sur ma page Facebook, Danny, parce que la MLS a quand même une formule spéciale à différentes choses là, au niveau des contrats avec les joueurs, avec les joueurs désignés. Alors, je l'ai mis sur ma page Facebook un peu, les concepts propres à la MLS. Quand on dit les concepts, qu'est-ce qu'il y a de différent? Je te partagerai peut-être pour que tu regardes un peu. Le budget salarial, joueur désigné, l'allocation monétaire de base, l'allocation monétaire ciblée, bon, le super draft, les joueurs formés au club, il y a une génération Adidas aussi, qui a un programme là-dessus au niveau de la MLS là-dessus, les joueurs étrangers qui viennent d'ailleurs du pays, il y a un classement d'allocation, puis il y a différents termes comme ça utilisés en MLS et qui sont propres justement à ce circuit-là en Amérique du Nord. Donc, ce serait intéressant là, si les gens veulent comprendre un peu toutes les différentes facettes de la MLS. C'est intéressant, j'ai trouvé ça intéressant. C'est en français aussi. C'est sur ça de la MLS. C'est fait par M. Mathias Van Alst, qui a déjà été directeur du journal Le Québec Soccer, qui n'existe plus maintenant. OK. Je veux te parler de... Bon, là, au moment où on se parle, il arrive quoi là, avec les ce qu'on appelle les transferts? On sait que Jamali sera pas de retour. Sa femme s'est pas habituée, s'est pas vraiment habituée à la vie montréalaise. Elle retourne en Italie. Est-ce que c'est confirmé que l'Algérien, c'est pas encore confirmé, mais semble-t-il que c'est quand même une bonne, c'est quasiment fait. Il y a d'autres joueurs qui devraient suivre. Là. Oui, ben le joueur que tu mentionnes, c'est Saphir Tader, c'est ça. Ouais. Pas de Bologne, c'est encore un lien avec le club de Bologne. Il faut le convaincre parce qu'il a seulement 25 ans. Une chose est sûre, c'est qu'on ne le perdra pas pour la Coupe du Monde cet été parce que l'Algérie ne s'est pas qualifiée. Donc, c'est un joueur qui va probablement rester à Montréal. Il n'a pas été annoncé officiellement encore sur le site de l'Impact. Je suis sur le site de l'Impact et officiellement, il n'y a rien d'annoncé quand même, mais ça s'en vient, je crois. Et où on est allé chercher? On est allé chercher un jeune Canadien de 22 ans qui était en Division 2 en Ligue anglaise, Michael Petrasso. C'est une belle relève pour le futur Canadien. Donc, j'ai hâte de voir ce joueur-là. Et on a aussi Raheem Edwards. Petrasso est un défenseur latéral droit. Et Raheem Edwards est un milieu de terrain à gauche ou à droite assez grand. Lui, il avait été repêché par le FC Toronto l'an passé. On l'a laissé, l'Impact est allé le chercher. Donc, c'est deux jeunes joueurs quand même. Et quand tu regardes aussi, l'Algérien, qu'on a parlé tout à l'heure, n'a que 25 ans aussi. Donc, c'est une belle relève pour l'Impact. J'ai l'impression que Rémi Garde allait s'enligner vers des jeunes joueurs pour le futur de l'Impact. Et Danny, vous parlez, il y a un autre joueur aussi qui était à Brest, qui a été mentionné sur les liens, sur la table, mais on n'a pas plus de nouvelles par rapport à ça. OK. Donc, ça fait pas mal le tour... Du côté du marché italien, du côté de l'Italie, maintenant, il arrive quoi avec, pas l'Italie, mais du côté des championnats européens? T'as-tu fait ta tour un peu? Oui, mais je te dirais un petit peu aussi, pour terminer la MLS, t'as quand même Valéry Lefebvre et Diane Baldor. Oui, ça, on a été libérés, eux. Ils ont été libérés. Lefebvre, c'est un peu de déception. C'est quand même un bon substitut. On aurait pu le garder au prix qu'il coûtait. Ça servait quand même quand la saison est longue, on sait que la saison est longue, il y a des blessures. Donc, mais peut-être qu'on veut faire de la place à peut-être des jeunes de l'Académie à travers ça aussi. Boldor, lui, il n'avait pas nécessairement fait de grosses performances avec l'Impact. Ben, lui, il retourne en Italie. Il semblerait que ça en irait même avec le Hellas Verona en Serie A italienne. Et un petit fait à mentionner, Danny, pour terminer l'actualité de la MLS un peu, Laurent Simon et Colomb Malas. Colomb Malas est entendu de la FC Los Angeles aussi. Et ils vont venir jouer le 21 avril prochain. Donc, ça va être le match d'ouverture au stade. Il y a le match d'ouverture au stade olympique, mais il y a celui au stade Saputo quelques semaines plus tard. Donc, Simon qui va être à Montréal. J'ai hâte de voir l'accueil que les gens, que les Montréalais vont lui faire. Et une autre nouvelle, le Canadien, on a des joueurs canadiens qui avaient été repêchés dans le super draft qu'on a parlé tout à l'heure. Kyle Loren, qui est sur le point de quitter la MLS, semble-t-il. Il jouait à Orlando. Je suis pas sûr qu'Orlando va peut-être l'essayer de le garder. Il s'en irait qu'une formation turque qui est en première division, puis le championnat turc est très relevé d'amis en Europe. Donc, pour lui, ce serait peut-être un avancement dans sa carrière. Maintenant, c'est à voir. Et le dernier point au niveau de la MLS, Marc Dos Santos, qui a déjà entraîné l'Impact, qui était dans l'ancienne ligue avant la MLS. Il est déjà venu à l'Espoir Soccer Alma avec John Nunez. Lui, ça va à Los Angeles, lui. Il était venu faire une petite conférence à Alma, quand même. C'est quand même bon de le mentionner. Kyle Loren, lui, Marc Dos Santos s'en va comme entraîneur adjoint avec le FC Los Angeles, avec Bob Bradley, avec pas n'importe quel entraîneur, puis il a coaché l'équipe américaine. Ça veut dire que ce jeune-là, Marc Dos Santos, est en train de se forger une grosse réputation, là, tranquillement, pas vite. J'ai l'impression qu'on va le voir en train d'être coach d'équipe première en MLS. Et ce ne sera peut-être pas l'Impact, mais je ne me surprendrai pas dans quelques années de le voir comme entraîneur-chef d'une équipe en MLS. Bon, c'est évidemment. Benoît, ça fait pas mal le tour de l'actualité dans le soccer cette semaine? Oui, parce que je te dirais, au niveau des championnats européens, ça a recommencé la semaine passée avec les coupes et tout ça. Ouais, ouais. Le Barcelone est toujours en feu, en force cette année. Lionel Messi, on a commencé à le... Si on parle de Planète Foot un petit peu, on a commencé à le remplacer tranquillement. On veut le ménager un peu pour la fin de la saison. Et puis aussi pour la Coupe du Monde qui s'en vient en Russie prochain. Le Barcelone est donc en tête. C'est le Real Madrid qui tire de la patte un peu dans leur saison, dans le classement de la Liga. Ils sont en quatrième position. On a quelques défaites consécutives, mais ils ont tout gagné dans les deux dernières années. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, le staff, on n'est pas été chercher de joueurs lors du dernier mercato. Zidane n'en voulait pas. En Angleterre, tu as Manchester City et Chelsea qui sont toujours en avant aussi du peloton. City qui a une grosse saison. En France, tu as le PSG qui domine un peu le classement de la Ligue de France. À noter, Dani, à la fin, début février, un gros duel de choc entre PSG et le Real Madrid. C'est la Ligue des Champions. Ça va être les matchs assurés dans un match aller-retour. En Italie, tu as la Juventus encore, tu as le club, c'est l'AS Roma et le club de Naples qui sont en haut du pavé, en haut du classement. Et ça fait le tour un peu des championnats. Et le Bayern de Munich en Allemagne qui est toujours en première position. Donc, pour faire le tour des championnats européens. OK. Donc, on s'en reparle la semaine prochaine? Yes. Voilà, donc c'est le commentaire de Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean.